ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Évariste Ndikomanyanka. Merci de rester fidèle aux émissions de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. L'association des veuves et orphelins pour la défense de leurs droits vaut des demandes que le procès relatif à l'assassinat de l'ancien président Mekion Dadaye et ses proches collaborateurs soit mis en exécution. Cet appel coïncide avec la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie. L'administrateur d'intérim de la commune Boussoni en province Kirundo demande à la population de sa circonscription d'éviter des départs vers les pays limitrophes comme réfugiés, surtout que la sécurité est bien garantie. Il dit cela après le refoulement ce jeudi en provenance du Rwanda. Dans l'après-midi, de 52 personnes, dont 46 sont dans la commune Boussoni. Gianni Infantino, président de la Fédération internationale du football FIFA, a visité le Burundi ce samedi, pays qui figure parmi les 100 pays choisis par cette organisation pour mettre en œuvre des projets de développement du football à travers les écoles de football, comme l'a indiqué dans son discours. Bienvenue à cette édition dont la mise en œuvre est assurée par Albert Ndouadio. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons cette édition par la page politique et commémoration ce samedi du 30e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ce samedi, à cette occasion, son parti d'origine, le Frodebu, appelle les Burundais dans leur diversité à sauvegarder les acquis en matière de la démocratie. Phineas Nigaba, vice-président et porte-parole de ce parti, appelle en outre les Burundais à conjuguer les efforts pour relever les défis qui persistent notamment au niveau du fonctionnement des partis politiques, de la société civile et au niveau de l'organisation des élections. L'écoute. Nous sommes sur le chemin de la démocratie. Je dis sur le chemin de la démocratie parce que nous voyons des signaux qu'il faut quand même, disons, apprécier. Ici au Burundi, il y a beaucoup de partis politiques, il y a plus d'une trentaine, mais si nous regardons très bien comment ces partis fonctionnent, il y a des partis qui sont créés pour demander de l'emploi seulement. Or, les partis politiques ne sont pas créés pour demander de l'emploi, ils sont créés pour donner des contributions, pour avoir, disons, le bien-être de la population. Il y a des partis politiques qui sont là seulement pour soutenir le pouvoir. Ça, c'est un défaut qu'il faut quand même corriger. Deuxièmement, il y a des médias. Vous voyez, nous sommes ici, c'est déjà un pas. Nous sommes en train de parler, mais il y a encore, je dirais, une entorse. Parce que nous entendons que vous vous lamentez que lorsque vous allez chercher de l'information, il y a des personnalités qui ne vous donnent pas de l'information, alors que la population a besoin de cette information. Il y a même des dossiers sur lesquels vous arrivez et que vous ne traitez pas convenablement. En plus, il y a des organisations de la société civile, mais nous constatons qu'il y a des organisations de la société civile qui sont là seulement pour soutenir le pouvoir, pour seulement chanter du matin au soir le pouvoir. Ça, ce n'est pas le rôle de la société civile. Mais nous apprécions qu'il y a quand même quelques membres de la société civile qui travaillent convenablement. En plus, au Burundi, la justice a beaucoup, beaucoup de problèmes. Même le chef de l'État dit que cette justice, il faut qu'il y ait une réforme profonde. C'est-à-dire que la justice ne travaille pas convenablement. Tout cela, c'est un handicap pour la vie de la population. Nous, au niveau du Frodebu, nous saluons déjà le pas déjà franchi parce qu'il y a des acquis. Alors, c'est pourquoi nous demandons à tout le monde de se mettre ensemble dans toutes les différences pour sauvegarder d'abord ses acquis. En plus, il faut voir comment maintenant se mettre ensemble pour faire un pas en avant, voir comment relever ces défis. Le procès de Melchior Ndadaye a été émaillé par beaucoup d'irrégularités. Comment voulez-vous dire que le chef de l'État a été tué par les caporaux? Voilà, c'était Phénias Nigaba, vice-président et porte-parole du parti Front Debout, au moment où, ce 21 octobre 2023, les Burundais commémorent le 30e anniversaire de l'assassinat de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu en 1993. L'association des veuves et orphelins pour la défense de leurs droits à vote salue les efforts du gouvernement déjà manifestés aux familles de cet ancien président Melchior Ndadaye et ses proches collaborateurs. Elle demande toutefois que le procès relatif à leur assassinat soit mis en exécution. Dans un point de presse animé ce vendredi, Jacqueline, vice-présidente de la VOD, a également interpellé la population burundaise à combattre tout esprit divisionniste. La VOD remercie sincèrement l'État du Burundi pour les efforts et gestes louables déjà posés, comme l'élévation de son Excellence Melchior Ndadaye au rang des héros nationaux, avec mise en place d'un décret loi régissant le statut de ses ayants droit, la construction d'un logement décent aux parents des héros de la démocratie, la réparation du tort causé aux fonctionnaires et militaires massacrés en 1972. Pour terminer, l'association AVOD recommande ce qui suit à l'endroit de l'État, que le procès RPS 97 relatif à l'assassinat de son Excellence Melchior Ndadaye et ses proches collaborateurs soit mis en exécution, que les collaborateurs de son Excellence Melchior Ndadaye et assassinés soient considérés comme des martyrs de la démocratie et que leurs ayants droit soient rétablis dans leurs droits, que les citoyens burundais meurtris par les différentes crises soient réhabilités, sans quoi la réconciliation serait difficile, que la CVR entame sans délai des investigations sur les autres crises, entre autres 1988 et 1993, avant que les témoins oculaires ne disparaissent, à l'endroit des citoyens burundais, de combattre tout esprit divisionniste et de ne pas céder à la manipulation politicienne. C'était la Jacqueline Sindairakira, vice-président de la VOD. Le gouverneur de la province Karusi demande à tout citoyen de la province de se sentir fier de son pays, éviter toute division, soit idéologique, ethnique ou religieuse. Dévote Nidigimana exhorte les responsables de laisser leurs dirigeants s'épanouir, se développer tout en laissant de côté leurs différences. Le gouverneur de Karusi explique que c'est cela qui montrerait le respect des idées de feu Melchior Ndadaye, héros de la démocratie de notre pays, les détails avec Blaise Pascal Kararumi. Dévote Nizigimana, gouverneur de la province Karusi, insiste qu'il faut mettre à côté les différences qui seraient entre les habitants de sa province, demandant à tout citoyen de Karusi de se sentir fier d'être dans son pays pour contribuer à son développement. Madame la gouverneure exhorte les responsables des autres et aux différents niveaux de témoigner de leurs responsabilités en laissant s'épanouir leurs dirigeants, se développer et bannir les considérations idéologiques, ethniques, régionales ou même religieuses qui constitueraient les différences de leurs habitants. Le gouverneur l'a dit ce samedi lors des cérémonies de commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie au Burundi. Il a expliqué que cela permettra au développement durable du pays et que ce comportement témoignerait le respect de l'idéologie de l'héros national de la démocratie. Certains habitants présents dans ces cérémonies à Karusi, étonnés par le fait que les responsables du parti Sawanya Front Debout à Karusi ont déposé ce samedi le gerbe de fleurs au monument en même temps que les autres comme l'administration, le parti prenant et d'autres, alors que les responsables de ce parti dans la province n'en avaient plus l'habitude. Le président de ce parti dans la nouvelle province de Gitega, la province incluant l'actuelle province de Karusi, explique que la raison est que les autorités actuelles sont en train de laisser liberté aux partis politiques. Il signale que les autorités autorités de l'ordre ne leur permettaient pas de participer dans de telles festivités de rang national. Ils signalent que le parti Sawanya Frodebou est en train actuellement de se souder pour un nouvel élan. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Karaloumié pour Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. Parlons maintenant le sport. Le président de la Fédération internationale de football, FIFA, a effectué ce samedi une visite au Burundi. Gianni Infantino a indiqué que le Burundi figure parmi les 100 pays choisis par cette organisation pour mettre en œuvre des projets de développement du football à travers les écoles de football. Dans les cérémonies de lancement du tournoi interscolaire qui s'est déroulé au stade des Urunani de Buganda, en province Chibitoke, Alexandre Muyenge, président de la Fédération de football du Burundi, a salué les travaux déjà réalisés par la FIFA au Burundi. Il a invité le président de la FIFA à continuer d'appuyer pour la finalisation des travaux de construction du stade des Inhuari. Le point avec Étienne Manrakit. Aujourd'hui, avec évidemment la présence de la FIFA... La FIFA a mis en place des programmes de développement les plus importants dans le domaine du sport FIFA Forward. Lors de la visite du patron du football mondial au Burundi ce samedi 21 octobre, Gianni Infantino a lancé officiellement un projet dénommé Football for Schools qui vise à développer le football dans les écoles. Ce numéro 1 du football mondial a fait savoir que le Burundi est en ce jour capitale du football mondial pour être le 100e pays où ce projet est implanté. Aujourd'hui, par ce magnifique projet Football for Schools, le football pour les écoles, la FIFA, avec le Burundi, on unit le monde dans un projet de football, dans un projet d'éducation, dans un projet qui donne des chances et des opportunités à une jeunesse, à des filles, à des garçons de ce magnifique pays. Le Burundi. Alexandre Muyenge, le président de la Fédération de football du Burundi, salue les actions de la FIFA pour la promotion du football au Burundi. J'informe tout le monde qui est présent ici que le Burundi a été gâté pour ses projets FIFA Forward. Outre les coûts opérationnels qui ont été multipliés par 5 par rapport à l'appui dont bénéficiaient par le passé les associations membres, nous saluons tout particulièrement le projet en cours de reconstruction du stade Intouari. Et bien sûr, ce projet que vous venez de lancer, de Football for School. Alexandre Muyenge demande au gouvernement du Burundi d'appuyer son nouveau projet afin que les jeunes Burundais puissent en tirer le maximum de profit. Le lancement officiel du projet Football for Schools a été rehaussé par la présence de Arsène Wenger, l'ancien entraîneur de Arsenal et chargé de développement du football au sein de la FIFA. Ce dernier a déclaré que la FIFA a énormément investi en Afrique, un continent qui lui tient à cœur. Merci à Étienne Manrakiza pour tous ces détails. Cap sur Kirundo, où l'administrateur ad intérim de la commune Ousoni demande à la population de sa circonscription d'éviter des départs vers les pays limitrophes comme réfugiés, surtout que la sécurité est bien garantie et la pluie tombe normalement. Il dit cela après le refoulement ce jeudi dans l'après-midi de 52 personnes, dont 46 sont de la commune Nebusoni. La plupart d'entre eux étaient rentrés au camp du camp de Mahama ces années antérieures, mais étaient retournés au Rwanda à la recherche du travail. Les détails avec Abraham Safadi. Comme le précisent les informations issues de la frontière rwando-burundaise de Gasenyi-Nemba en commune de Busoni et confirmées par l'administrateur à l'intérim de cette commune, Albert Manirambona, le nombre total des Burundais refoulés par le Rwanda dans l'après-midi de ce jeudi sont au nombre de 52. 46 parmi eux sont d'origine de la commune Busoni, 2 de la commune de Bugabira, 3 de la commune de Gitarani en province de Muyinga et 1 de la province de Chibitoke. Ce dernier, selon l'administrateur, ne s'est pas exactement sa colline d'origine car il était parti avec ses parents en 1982, son père burundais et sa mère rwandaise. Comme le précise cet administratif, tous ces refoulés ont déjà regagné leur famille, sauf celui de Chibitoke qui reste encore au bureau de la commune Busoni en attendant son départ vers sa province natale. Les mêmes sources administratives signalent que la plupart de ces refoulés détenaient des cartes des réfugiés obtenues quand ils étaient encore au camp de Mahama au Rwanda. Comme l'expliquent ces refoulés, ils étaient retournés au Rwanda pour y chercher de quoi faire et gagner de l'argent. D'ailleurs, ici, ils demandent que le guichet unique soit fonctionnel à Kirundo pour avoir facilement des documents de voyage. L'administrateur à l'intérim de Busoni demande à la population de sa circonscription de rester chez eux et éviter ces mouvements de va-et-vient, surtout sans autorisation. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Dernier dossier de ce journal, les natifs d'Urumonge ayant des moyens sont appelés à contacter l'administration locale afin de leur prêter des terres domaniales non litigieuses pour des projets de développement. Cet appel est de Léonard Niyonsaba, gouverneur d'Urumonge, dans une réunion de développement de cette province tenue l'après-midi de ce vendredi à Urumonge. Pour certains parmi les participants, le redressement du secteur de l'éducation, actuellement dans les dernières places dans les examens nationaux, est un préalable à tout développement. Les détails avec Jean-Pierre Misako. Dans le rapport présenté par le conseil juridique du gouverneur de Urumonge, plus de 200 domaines pouvant être cultivés ont été inventoriés comme appartenant à l'État dans la province de Urumonge et qui ne font objet d'aucun litige. Parmi ces propriétés domaniales, certaines sont exploitées par des coopératives agricoles, d'autres encore vacantes. Léonard Niyonsaba, gouverneur de Urumonge, à côté du programme du gouvernement burundais de promouvoir l'élevage des lapins, appelle les participants dans cette réunion d'en faire une demande auprès de l'administration locale pour leur exploitation afin d'accroître la production agricole, comme le souhaite d'ailleurs le gouvernement burundais. Pour certains participants dans cette réunion, tout développement doit commencer par la promotion de l'éducation. Et selon eux, aussi longtemps que ce secteur n'est pas redressé dans cette province classée parmi les dernières dans les examens nationaux, il sera difficile d'atteindre un développement effectif dans cette province. Sur ce, le gouverneur de Urumonge a déclaré que les principaux défis dans ce domaine ont été déjà identifiés et que l'on s'active pour relever ce secteur. Dans 80 domaines faisant encore objet de litiges, 910 hectares ont été identifiés sur trois collines de la commune Urumonge. Selon le conseil juridique du gouverneur d'Urumonge, une ordonnance ministérielle conjointe de novembre 2009 ramène ces 910 hectares dans le domaine de l'État. Mais pour les occupants de ces domaines qui ne se sont pas exécutés depuis lors, ils sont devenus propriétaires de ces domaines par le décret présidentiel du 9 août 2011. Jean-Pierre Misago de Urumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. C'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaï pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Les émissions continuent sur les ondes de la radio Isanganiro. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Une œuvre grandiose dans le secteur de l'éducation malgré l'éphémère pouvoir de Ndadaye titre « La voix de l'enseignant ». Alors que le 21 octobre marque la date anniversaire de l'assassinat en 1993 du premier président burundais démocratiquement élu. Avec ses 46 propositions qui forment le programme de campagne, le 45e concerne le secteur de l'éducation.